Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle version des musiques qui suintent. Version beaucoup plus courte, donc beaucoup plus digeste à écouter sur internet de 10 à 15 minutes. Donc vous aurez droit à plusieurs types d'émissions. Pour le moment, je n'ai pensé qu'au New and Fresh que vous êtes en train d'écouter, c'est-à-dire principalement des groupes quasiment inconnus, en tout cas de moi, que je découvre un petit peu comme ça par hasard sur l'excellent réseau MySpace. Et puis les Drone Landscapes, où là on va parler de drone, et si vous ne connaissez pas le drone, ça va être l'occasion de découvrir ça, et donc vous aurez droit à ça la semaine prochaine ou un petit peu avant. Quel est l'enjeu de ces émissions New and Fresh? C'est de vous faire découvrir des groupes entre guillemets que personne ne connaît, et proposer en fait une alternative à l'encensement quasi constant des mêmes groupes. Je pense évidemment aux Melvins, à Isis, à Converge, qui sont certes d'excellents groupes, mais on commence un peu à connaître. Donc voilà, il y a des petits jeunes, ils font ça très bien. Ils n'ont pas encore d'histoire, ils n'ont pas encore de fans déçus, ils n'ont pas encore de packaging hors de prix. Ils font leur musique avec leur trip, et c'est exactement des musiques qui suintent d'instantané, de vérité et d'humanité totalement. Donc après cette courte introduction, vous pourrez peut-être penser qu'on va surtout se faire de l'émo. Pas que ça, c'est loin d'être une limitation, même si c'est ce que j'écoute principalement en ce moment. Non, c'est pas une limitation, on va écouter de la pop, on va écouter des trucs beaucoup plus barges, comme en fin d'émission, un truc qui s'appelle Kinit Her, qui est américain, qui est génial. On va commencer donc avec Loma Prieta, et le deuxième groupe, ce sera We Fade to Grey, de la bonne pop. Commençons tout de suite avec Loma Prieta, donc c'est un peu la révélation emo de l'année, entre guillemets. J'ai découvert ça sur Metalurgy, c'est un album du moment, donc merci Metalurgy. L'album s'appelle Last City, c'est sorti sur Slave Union, sur Rea Twist Protect, sur Discos Wellgas, je vais pas dire de conneries, Discos Wellgas, je ne suis pas sûr. Et c'est vraiment excellent, donc ce qui va vous frapper, en tout cas ce qui m'a frappé immédiatement, c'est le sens mélodique de ces mecs. C'est certes de l'émo, mais par-dessus il y a des super mélodies, un petit peu à la Hot Cross et à ce groupe que j'avais fait découvrir, Martial et Rudy, que vous avez entendu dans Underground Zero, Hyatt Plants. Donc c'est de l'émo, donc il y a toujours cette déstructuration underground émo que j'adore. Donc on pense à des groupes comme La Quiette, Kid Crash, tous les mots 90, Universal of Man, Orchid, Ampère à l'heure actuelle. Donc des structures excessivement complexes, en tout cas une musique déstructurée, d'où s'échappe par-dessus ce chaos émotif, de jolies mélodies et un chant totalement prenant. On va s'écouter Warm Pass de Loma Prieta sur l'album Last City. Yeah. Waouh, déjà fini, donc je sais pas vous, moi j'en redemanderai un petit peu plus. Donc je suis en train de commander ce putain d'album Last City, donc ça c'était malheureusement volé sur MySpace. Et je vous invite franchement à écouter déjà tous les titres qui sont sur MySpace, et puis une fois que j'aurai écouté l'album, je vous dirai si c'est du bon, mais ça m'étonnerait que ce soit mauvais. Donc Loma Prieta, culture générale, Loma Prieta c'est le nom d'une montagne dans la banlieue de San Francisco, puisque c'est de là que ces gens viennent. Loma Prieta qui veut dire Dark Hill, qui veut dire donc la colline sombre, et c'est aussi le nom d'un tremblement de terre dont l'épicentre se trouvait près de cette montagne, Loma Prieta, d'où le nom. Donc voilà, maintenant vous savez que Loma Prieta est une montagne. Ils avaient aussi un titre sur les mots Apocalypse, qui était sorti sur Act With Protect, je crois que c'est les mots Annihilation qui est en train d'arriver. Donc ça va chier encore. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est en fait plein de groupes démo ne font des chansons que de 10 à 30 secondes. Voilà. Et ils condensent tout ça sur un vinyle. Par exemple, les mots Apocalypse, c'était un LP, 12 pouces, sur une seule face, et il y avait je crois 45 groupes sur une seule face. Donc c'est complètement brouillon, c'est complètement barge. Mais c'est excellent, et c'est vraiment une espèce de symbole de l'underground que ces émos. Le premier, émo Armageddon, le deuxième, émo Apocalypse, et le dernier, émo Annihilation, qui va arriver dans pas longtemps. On passe à du plus léger, avec We Fade to Grey, qui est un excellent groupe allemand de pop, vachement sympa. Donc ça s'écrit 3 petits points, We Fade to Grey, mais vous voyez ça sur la page sur laquelle vous vous trouvez pour écouter cette émission de radio, enfin de podcast, enfin je sais pas vraiment en fait. Et ça m'a bien plu, ça m'a bien accroché, surtout ce titre est un pur tube, donc on va l'écouter, et puis on en parlera vite fait après. C'est ça qui est bien avec les groupes neufs, c'est qu'ils n'ont pas de bio, et on n'a pas à s'étendre des heures sur les changements de guitariste et les tournées ratées, etc. Donc c'est un jeune groupe qui va pas tarder à sortir un split sur Miyagi Records avec Calcutta, donc j'ai pas encore trop eu le temps de regarder ça sérieusement, mais We Fade to Grey, c'est vraiment excellent. Je fais tout ce que je peux pour trouver cet album. Donc We Fade to Grey avec Lines Between Teeth, extrait de l'album The Sound of Trees Talking. Je me trouve donc derrière ma batterie pour vous expliquer un petit truc, en tout cas pour vous faire remarquer quelque chose, c'est que le rythme zouk, qui ressemble à ceci, voyez, et ben on l'a retrouvé un petit peu au début de la chanson, là, sauf qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il double la grosse caisse, ou même plus, et en fait, il appuie pas sur le temps grosse caisse comme j'ai appuyé là. Il appuie un petit peu en contre-temps, ce qui fait que ça décale un petit peu le truc et qu'on n'entend pas en fait cette mesure zouk. Donc par exemple, si on double la grosse caisse, on l'entend pas la mesure zouk. Vous voyez, ça produit vraiment pas le même effet. Et c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent en noise, on retrouve cette étrange mesure. C'était donc l'interlude batterie, donc nous allons passer maintenant à Kinit Heur. Donc là-dedans, par contre, il n'y a pas vraiment de rythme. Je crois qu'il y a une chanson et une boîte à rythme, mais il n'y a pas de rythme marqué. Donc c'est quelque chose de très étrange, qui évolue dans un milieu assez gothique, assez black metal, mais pas du tout dans la forme. Dans la forme, c'est assez électro. Moi, ça me fait totalement penser à Ulver. Vous voyez, cette espèce de rock étrange, excessivement synthétique, avec beaucoup de claviers. Puis là en plus les voix sont très très bizarres, donc apparemment c'est que des mecs, mais j'ai du mal à le croire. Une espèce de voix un petit peu cristalline, un petit peu dérangeante. Au milieu de toutes ces nappes d'effets, de toutes ces mélodies, de toutes ces guitares avec des effets étranges. Donc je trouve ça vraiment magnifique. Magnifique on va dire, en tout cas très intéressant. Et c'est très frais, c'est très rafraîchissant je trouve, donc voilà, si vous avez chaud... c'est chaud en ce moment en écoutant ça, ça ira mieux. Donc je vous présente le groupe Clim de l'été. C'est donc Kinit Heur avec un extrait de la cassette qu'ils ont récemment sorti sur Living Tapes. C'est un label de Los Angeles, donc je ne l'ai pas dit, eux ils viennent du Wisconsin, ils sont des Américains. Et ils sont en train de finir leur full length, leur album à proprement parler, qui sortira sur CD sur un label suisse, Interzim Records. Ça, je ne connais pas ce label, et Blossom Rust Tapes pour la version vinyle. Et ils vont donc en plus enregistrer de nouvelles choses et se concentrer sur leur performance live. Donc écoutez ce titre de Kinit Heur, extrait de la cassette As Magie de Pillars Seed. We'll be right back. Donc je vous avais prévenu, c'est quand même franchement allumé, entre guillemets. Mais je trouve ça génial, les mélodies, là en réécoutant, sont juste époustouflantes. Et je me disais aussi qu'en live, ça devrait carrément le faire, je sais pas, dans une cave ou dans une église ou dans un champ. Je m'imagine très très bien ça, quoi. Donc l'émission touche à sa fin. Si vous pensez, parce que pour moi tout ça c'est quand même assez unique, à part évidemment We Fit to Grace, c'est un petit peu déjà entendu, mais pour moi l'Homme Priata et Kinit Earth, je trouve ça vraiment unique. Donc si vous pensez que c'est vraiment pas unique et qu'ils font que copier un type que je ne connais pas, que je ne demande qu'à connaître, eh bien faites-le moi connaître, envoyez-moi un mail, donc myspace.com/lmqs, mais de toute façon vous êtes déjà dessus si vous écoutez ça très certainement. Et donc la semaine prochaine vous aurez droit à une émission spéciale drone avec des sorties du label Basse Fréquence. Donc j'ai pas encore vraiment décidé pour le moment, mais il va très certainement y avoir Werju et I Am Sea Monster. Donc là ça va être plus compliqué de faire une émission de 15 minutes puisque c'est des titres qui font au moins 15 minutes chacun, ou 15-30 minutes. Donc je sais pas, je vais peut-être faire des extraits ou alors partir totalement dans une émission longue, ou alors vous faire juste une intro et les passer à la suite, je ne sais pas. Tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Merci d'avoir écouté cette émission de Radio Postcat sur internet. C'était Les Musiques qui suintent, présentée par Emile. Merci.